Les débats, pas de radio et pas d'insultes de chien. Ah, t'as foutu. Ah, c'est bon. Et voilà, donc rebonsoir à tous. Donc deuxième débat qui va porter sur l'éducation. Donc Manu qui est au standard avec Apolline et Rigo sur le www.fr. Oh, deux secondes, j'ai pété ma montre. Non, merde. Merde, une lip. Merde, une lip. Ah là là là là. Alors donc on venait de écouter les piliers du relais Carnot avec vite ta couille chaude dans mon pigon bière et le premier c'était la petite fée qui avale avec je parie que j'ai du caca à la place des dents. Et je voulais faire un petit coucou comme on en a fait sur l'IRC, donc je vais en faire un. Ah ouais. Je souhaite un petit coucou à Daniel Poche qui recherche lui une agence matrimoniale et voilà. Et moi je souhaite un bon anniversaire à Zitoun. Voilà. Et moi je dis à ma cousine que je vais peut-être venir ce week-end et je resterai peut-être dimanche. Bon, donc. Alors moi je vais saluer. Minitel, c'est que tu leur apportes du beurre. Alors. Moi je voulais saluer Turpentine, Yankee, Jet, Ness, Airbud, Babouin, WC, Benji, Big Canard, Singaline, si on revenait au débat. Attendez la Dream Tease. La Dream Tease. Ouais. Arrêtez. Bon, Manu, t'éteins déjà ton micro. Apolline. Et Arnette Keketos. Apolline, tu te tiens comme il faut, s'il te plaît, parce que on n'est pas dans une chambre à coucher ici. En plus, tu puis des yeb, donc. On est dans un studio. Bon, Apolline. Allez. Tu dégages. Allez. Va te mettre sur l'IRC, il y a Perfora s'il veut te parler. Ouais, dehors. Allez, Gérard, allez, on y va. On accueille Petit Lycée, 25 ans de Lille. Comme par hasard, encore un mec de Lille. Ça commence à bien faire de prendre des gens de Lille, Apolline. Tu commences à me faire chier. C'est moi qui l'ai pris, Gérard. Moi, ouais, mais ça commence à bien faire. Ouais, un auditeur bien. Hein. Gérard, ouais, non, mais ça commence à bien faire parce que c'est pas parce qu'elle vient de Lille qu'on va prendre que des mecs de Lille. Mais attends, ça s'appelle troisième auditeur en espace de deux débats qu'on prend. Ouais, mais non, en plus, je suis en vacances à Lille. Sinon, je suis parisien. Ouais, ben, c'est bon. Alors, donc, Rémi, mille. Rémi, 100 000 pas. Ouais, 100 000 pas, 27 ans de Rennes, 94,5. Exact. Marie Popper. Popper. 23 ans, Paris, 101,9. Oui, Gérard, ouais. Et Chantal Goyave. c'est ce qu'on m'a mis, 21 ans de Toulouse, 105,9. Bonsoir, la Dream Cheese. Alors donc, la question, c'est quel genre d'éducation donneriez-vous à vos enfants? Eh bien, tiens, tu vas répondre, Chantal. C'est une question assez compliquée. C'est justement pour ça que vous allez répondre. Quelle éducation? Donc, déjà, je pense que je voudrais pas qu'ils traînent avec des personnes qui sont peu recommandables. Je suis phobique. Et je veux pas qu'ils glissent. Je sais pas, c'est trop vaste. Là, je suis vachement coupée. Pour aider aux auditeurs qui ferment leur gueule. Ah, excusez-moi. Ah, ouais. Voilà. Alors, donc hyper important, truc primordial, c'est le bac. C'est important, ouais. Le bac, je pense que ça, c'est très important. Ouais. C'est important. Le seul truc qu'il faut qu'ils aillent. Voilà. Marie Offers. Ouais, donc toi. Moi, je leur donnerai une éducation très stricte. C'est-à-dire qu'ils n'auront pas le droit de sortir avant 18 ans, qu'ils ne regarderont pas la télé le soir après 20h, enfin, tu vois, quoi. C'est pas bien, Non, mais c'est bien. Non, c'est pas bien de dire ça. J'ai pas été élevée comme ça, je viens d'une famille laxiste où... Apolline, tu dégages des studios. Allez. Écoute, même pas. Apolline, tu dégages, tu m'excuseras, Marie-Popper. Allez, va sur l'IRC dans la rédac. Excuse-moi, Marie-Popper. Apolline, tu dégages. Allez, vas-y. Allez, tu dégages, comme ça, t'arrêteras de foutre ta merde, tu prends ton casque et tu dégages. Au revoir. Merci Pildar pour le double son que j'ai. Il n'y a pas de double son? Non, il n'y a pas de double son, presque pas. Fous-toi bien de ma gueule. Voilà. Bon. Alors, Apolline, je viens de te dire de dégager. Mais quoi? Pildar, tu arrêtes s'il te plaît parce que tu as dégagé aussi. Il n'y a rien. Bon. Il n'y a rien. Bah vas-y, Gérard, enchaîne. Non, l'autre a sort des studios. Gérard, vite fait avant que tu reprennes. Ça fait le quatrième avertissement, donc ce coup-là, t'es sorti. Parfait, Gérard. Terminé, au revoir. Il y a Yankee qui dit que pour éduquer un gamin, faut. Ah, attends, ça. Oh là là. Mais tu fais gaffe parce que tu paies, toi, d'accord? Elle a connu une. Je suis pas ton petit copain, alors tu dégages des studios, vite fait. Je crois qu'elle lui a cassé la bite. Là, tu dégages et vite fait. Je vais te mettre l'IRC à peau. Bon, donc Gérard, tu m'écoutes? Il y a Yankee sur l'IRC, il dit que pour éduquer un gamin, il faut déjà pouvoir les faire et c'est pas avec la dose d'alcool que tu as dans le peu de sperme que tu possèdes que ça changera grand chose. Alors si c'est pour me poser des questions comme ça sert à rien. Attends, toi Rémi. J'en connais tout à l'heure qui vont dégager aussi, ça va aller vite ce soir. Hein. Ouais, ce serait bien qu'on se calme légèrement pour le début du débat. Alors Marie Popper. Il y a un truc sur le Minitel, il y a Max le Belge qui demande qui est à la réa. Donc c'est fil d'art et je suis ouvert aussi pour tout ce qui est Nike et tout ça. Hein. Non, sinon moi c'est une casquette et un bob. Voilà, maintenant c'est dit, on y va, on enchaîne les débats. Allez Gérard, allez les auditeurs. Marie Popper, c'est pété. Okay. Ouais, donc je te disais, moi une éducation très très stricte, pas de télé, pas de petits copains, pas de petites copines, enfin tirer des grands pensions. Rien que des doigts quoi. Hein? Non mais t'es quand même sévère. Hein. Ah bah oui mais c'est normal Gérard. Non mais... Après 7 ans, les gamins ça devient chiant, donc moi je les enverrai en pension jusqu'à leur 18 ans. Oh là là. Alors là je vais te dire une chose, Marie Popper... Une mauvaise mère. Non, attendez s'il vous plaît. Oui. Marie Popper, si t'entends encore dire un mot comme ça... Tu vires du débat, mais complètement, d'accord? Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a pris une pension. Ouais. Donc, alors, un conseil que je te donne, Manu, tu la prends. Mais Gérard, écoute-moi 30 secondes. C'est pas parce que tu n'es pas d'accord avec elle. Non, mais même, elle a pas à dire ça, d'accord? Attends, moi, c'est très bon. Gérard, laisse-moi finir. Alors, vas-y. C'est pas parce qu'elle a répondu à une question et que tu ne penses pas qu'elle a raison qu'il faut la dégager. Tu peux l'écouter et c'est pas parce que vous avez pas le même avis que tu dois la dégager forcément à chaque fois. Non mais même elle a pas besoin de dire ça à l'antenne devant 2 millions d'auditeurs dans ces cas-là si elle aime pas les enfants ça sert à rien qu'elle en pense. C'est ce qu'elle pense. Ouais mais si c'est ce qu'elle pense mais elle a pas à dire ça devant 2 millions d'auditeurs. Elle a le droit de parce dire, à cause des conneries comme ça on risque de perdre de l'audience. Ah. Alors moi je veux pas perdre d'audience à cause des pas conneries ce comme soir, ça. C'est pas le moment. C'est vrai, on a pas de temps. Il a peut-être un autre taf. Alors Marie Popperns, c'est un avertissement que je te donne. Oh donc t'amuse pas à rejouer avec ça parce que c'est des trucs que je veux pas entendre sur l'antenne, d'accord? Bien, à propos d'avertissement, au bout de combien elle dégage? Au bout du deuxième, elle dégage. Oh là, fais gaffe. Après, hein, ouais, non mais de toute manière, après ça, tu seras carrément hors antenne. Rémi, 100 000 passes. Bah écoute, moi j'ai une éducation assez libre hein, avec mes enfants. Je les élève dans la plus pure tradition taoïste. Alors, précise. Bah, j'adore les cités d'or, donc en fait, je me suis inspiré et je les élève un petit peu dans la tradition, voilà. Ok. Petit lycée. Ouais, alors moi aussi, je dirais très cool avec mes gosses. Bon, j'en ai pas pour l'instant, mais dès que j'en ai, je descends que 6 ans, je ferai des tours le bédo, je fais des trucs comme ça, quoi, y a pas de problème, quoi. Un peu tôt, vaut mieux attendre 8-9 ans. Ouais, je pense. On ira bien avec cool, quoi. Ouais. Pas de problème, partir de pour 12 ans, tout ça, j'ai très sentir en bois. Faut les gâter, hein, les enfants, j'ai été comment faire. Bah ouais. C'est la prunelle de nos yeux, quand même. Non, mais ça, de toute manière, faut se dire une chose que, déjà, l'éducation, c'est à nous de leur donner, c'est pas de l'apprendre. Manu, pardon. Je voulais savoir, il parle de gâter, est-ce que tu ferais des gâteries à tes enfants, toi? Ça, moi, je suis, si je pouvais en avoir, oui, je ferais tout. Des gâteries. Non, mais, je serais prêt à leur acheter ce qu'ils ont besoin. Okay. Dans la limite du possible. Normal. Bien sûr. De quoi? Demain, PlayStation, tu leur offres? Ça dépend du prix que ça coûte, d'accord? Ah, d'accord. Petit lycée pour en finir avec cette histoire. Ouais, j'ai dit que donc j'irai une éducation très cool avec mes gosses, y a aucun problème, quoi. Ah ouais, c'est bon, ouais. Je voulais répondre justement, c'est ça que je voulais dire. C'est vrai que de toute manière pour leur donner une éducation que nous on a déjà du mal. Ceux qu'on n'ont pas eu malheureusement c'est différent. Ouais. Donc c'est pour revenir à ce que disait Marie Popper. Mais ça, son truc, c'est quand même un truc à éviter de dire à l'antenne. Non, parce que c'est vrai rare, que... C'est pas parce que tu es en pension que ouais, tu ne reçois pas d'éducation, ça n'a rien oui, à voir. Oui, mais part. Attention, parce que... Si, justement, parce non. que là-bas... Ah si. En pension, ils t'éduquent. Ah ouais, non, mais attends. Différent que si tu restes chez toi avec tes parents. Évidemment, c'est la même chose. Plaît. Quoi? C'est la dernière fois que tu me mets un double son, parce que sinon, je t'éclate, là. Là, ça va voler encore ce soir. Mais il n'y a pas de double son. Gérard? Ouais. Gérard? Oui. Marie Popers. Je voulais pas dire qu'on les envoyait en pension, je les abandonnais, quoi. Ah bah si, attention, non, ah là justement, là tu te trompes. Là tu te trompes parce que si tu t'amuses à faire ça, automatiquement tu pourras pas les voir tous les week-ends. Nuance. Mais si, Gérard, moi j'ai plein de potes. Ça dépend sur quel comment tu les mets. Je les mets très bien de toute façon. Par derrière. Ouais. Parce que ça, c'est... Il y a trop loin. Donc, tu voulais rajouter... Non, c'est pas grave. Non, t'as répondu. C'est en pension, c'est ça? Non, mais oui, enfin bon, ça, c'est pas important. Ouais, on s'en va. Allez, alors, une bonne éducation passe-t-elle forcément par un enseignement professionnel ou éducatif? Alors, petit lycée. Attends, tu peux répéter ce qui rigolait derrière le... Une bonne éducation passe-t-elle forcément par un enseignement professionnel ou éducatif? Alors, une bonne éducation, c'est clair que ça passe par un enseignement éducatif, surtout à l'école, ça se fait, hein. Ouais, mais il y a professionnellement aussi, hein. Oui, mais bon, professionnellement, quand tu passes dans le professionnalisme, tu es déjà adulte, donc ton éducation est déjà faite. Ouais, non, mais... Si. Moi, je te dis que si. Il y a des professionnels de l'école, c'est clair. Ouais. Mmh. Rémi? Oui, bah écoute, tout à fait. Moi, je pense que effectivement, l'auditeur a suivi la bonne piste. C'est vrai qu'il a abordé un peu tous les sujets. Il y a aussi l'école de la rue. Il y a quand même des gens qui se sont faits tout seuls, hein. Je pense, Gégé, que t'en es un digne exemple. Il y a des gens qui n'ont pas forcément suivi un cursus scolaire très, très, très poussé. Bah ouais, à 18 ans, CM2. Je parle pas au niveau de l'âge, hein. C'est vrai que t'as quand même poussé long au niveau de l'âge, mais au niveau des classes, quoi, bon. Voilà, quoi. CE2, c'est pas top. Non, mais en fait, Gérard, c'est un... le permis quand les autres, ils jouent au bille, mais bon. C'est un autopinax. Ouais. L'école de la rue, ça se discute un peu. Ouais, quand c'est Marie Popper. Moi, en fait, professionnellement, je travaille avec des enfants. Mmh. Ah bah donc, voilà. Ah bah ouais, mais donc, t'avais qu'à préciser d'entrée. Bah, oui. Je suis désolée, mais tu parlais des miens, mais j'éduque pas du tout les enfants dont je m'occupe, comme j'éduquerais mes enfants. Ah mais attends, si, de toute manière, t'es obligé de leur donner une éducation quand même aux enfants que tu t'occupes, même si c'est pas les tiens. Oui, mais ce sera pas la même. Ouais, mais d'accord, c'est pas la même, je suis d'accord avec toi. Mais donc, tu t'occupes quand même d'enfants de quel âge à quel âge ils ont quel âge à peu près? Ils ont 3 ans d'âge mental. Moi, 3 ans, c'est vrai qu'encore à 3 ans, ils ont du mal à comprendre. Bah oui, mais c'est à cet âge-là qu'on commence à éduquer. Hein. Après, c'est trop dur. Hein. Ouais, mais regarde, Gégé. Ouais. Si c'est ton gamin. Ouais, non, mais attends, qui c'est qui parle? C'est. J'ai un problème avec les noms. Rémi Saint-Michel. Voilà, Rémi Saint-Michel. Si tu travailles avec des enfants qui les éduquent forcément moins bien que les tiens, regarde-moi, si j'ai un enfant, je le surveille tout ça. Si c'est celui d'un autre, il peut se curer le nez, tout ça, je m'en fiche, je le laisse faire, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Alors, attends. Rémi. Ouais. Rémi, déjà, une chose qu'il faut te dire, déjà, quand tu viens de parler de le mec, il se machine le nez, ouais. Déjà, c'est une mauvaise éducation, tu lui dis non gentiment. Ah, mais non, mais moi, si c'est pas le mien, je le laisse faire, mon bac à sable, je lui laisse manger les crottes et tout, c'est pas les miens. Non, mais ça, je fais attention, quoi, mais bon, c'est le mien, quoi, c'est tout. Ah, ouais, d'accord. Bah ouais, okay. les Chantal Goyab. Goyo, moi c'est tout le contraire de Mary Poppers. Mm-hmm. C'est que éducativement je travaille avec des professionnels. Mm-hmm. Alors dis. Et en fait ces professionnels ils sont éduqués pour éduquer les enfants qui ne sont pas encore éduqués. Oui, c'est vrai. Avant ou après leur formation? Après la formation professionnelle de l'éducation. Ah, okay. Mais il faut une éducation professionnelle pour suivre cette formation ou pas? Des fois, éducativement parlant, bien entendu, le professionnalisme pousse jusqu'à l'éducation qui est au bas limite de l'éducative. Mais c'est des instructeurs diplômés quand même d'État, j'espère. Mais oui, diplômés, profession... D'État d'études. Et ouais. Voilà. D'accord. Ouais, non, mais apparemment, t'es éducatrice toi aussi, non? Non, moi je suis professionnelle de l'éducation. Ouais, mais donc... C'est pas la même chose. Ah, c'est différent, oui. Ouais. Ouais, ça n'a rien à voir du tout avec... C'est quoi la différence, Gégé? Ouais. Tu veux m'expliquer parce que j'ai du mal à suivre. Et le statut. Le statut professionnel, c'est différent que de l'enseignement. C'est-à-dire, du salaire? Non. Pas... Moi, je gagne deux fois plus qu'elle, par exemple. La prime de panier est plus importante, quand même. Hmm? Je disais, la prime de panier est plus importante. Comment ça? Bah, la prime de panier est quand même double pour les consultants professionnels que pour les éducateurs de base. Quoi. Ouais, mais ça, c'est vrai que maintenant, pour s'occuper d'enfants, maintenant, c'est vrai qu'il faut avoir presque le niveau bac à l'heure actuelle. Hein, maintenant. Ah bah c'est clair, hein, ça va beaucoup plus loin. Ouais. Non, bac plus 13. C'est bac, pour avoir le bac, pour avoir le BEPC, pour avoir le baccalauréat aussi. Un dog ou un sgeg, c'est bon. Le baccalauréat, ça sert à rien. Donc alors aimez-vous éduquer, donc il y a 28% qui demandent à garder l'anonymat, c'est vrai. 10% n'ont pas d'enfants et m'emmerde. Alors là, ça, ce oui, truc... Oui. Non mais il y en a des fois, ils prennent la mouche. Ouais mais d'accord. Ça se trouve, c'est des gens qui peuvent pas avoir d'enfants, donc tu leur demandes, est-ce que vous voulez éduquer vos enfants ? Toi, ils le prennent mal, donc ils t'emmerdent directement. Ouais, bah moi, je ne passe pas par la case départ. Ils t'emmerdent direct. Qu'est-ce que j'ai d'autre bon. Gérard, ouais, bah, pendant que tu cherches, moi j'ai sur le Minitel, j'ai Fibble qui demande est-ce que la pension est un bon moyen d'éducation et est-ce que l'armée aussi ? Alors là, sur sa première question, j'y répondrai pas. Sur l'armée. Bah, la pension, c'est quand tu es à l'école et que tu rentres pas chez toi. Ouais, mais attends, ça c'est pas du tout une pension, nuance. C'est un internat, donc ça n'a rien à voir avec les pensions. Bah quand ils disent alors, j'ai tout en pension, c'est quoi? Non mais là, ça la pension c'est différent, parce que la pension... Il y a des barreaux et des vigiles. Tu peux pas rentrer comme ça chez toi du matin le soir. Ah ouais. Mais tu peux pas. C'est comme à l'armée. Ouais. Tu rentres que tous les soirs selon. Tous les week-ends. Non non. Selon où t'es et tu peux rentrer soit en perme en 48 heures ou en PLD. Une PLD c'est une permission longue durée, c'est-à-dire qui dure 10 jours. Et l'internat c'est quoi alors? L'internat c'est à ce que. C'est pour les fous non? Non. Ça c'est pour ceux qui veulent travailler, qui ont envie de bosser. Et qui veulent apprendre un boulot. Donc là, ils restent constamment là-bas et ils reviennent les week-ends chez eux. Ça n'a rien à voir avec ta pension, parce que la pension, c'est différent que l'internat. C'est beau d'entendre. Moi, je croyais que c'était un truc que tu touchais quand tu étais invalide. Non, ça n'a rien à voir. Non, ça. Alimentaire, tout ça. Non, ça n'a rien à voir. Ah, d'accord. Troisième question. Bah, attends, tu viens de poser la deuxième, non? Non, c'est bon, c'est bon. Ah, pardon, excuse-moi, t'as répondu, toi? Bah oui. Ah bon? J'ai répondu à tout le monde. Je viens de répondre à la question sur Minitel et puis tout ça. Donc, ça roule, putain, t'as un chef. Donc, troisième. Vous restez poli, s'il vous plaît. Ah ouais. Question, avec les gens qui vous emmerdent. Ouais, voilà. Moulinex, il demande. Alors, il dit, vu que l'homme descend du singe et que toi tu remontes, où se trouveront tes futurs enfants sur l'échelle de l'évolution? Dans les bras du singe. Voilà. Dans les bras d'un singe. D'accord. C'est tout à fait ça en plus. Devrait-on avoir un salaire pour éduquer nos enfants? Alors, je précise la question, c'est un truc qui est gros. Donc, je vais vous laisser répondre. Elle est venue, elle est où? Je croyais qu'elle était restée à la maison. Oh là là, il se lâche un peu trop, lui. Hein. C'est qui celui-là? C'est qui, celui-là? Je crois que c'était petit lycée. Oh, t'es fou, non, c'est pas moi, Gérard, reconnaît la voix, c'est l'autre là. C'est Rémi Sambifa. Tu lui dis au revoir. Tu peux enlever ton nick avec Ketos. Ah oui, excuse-moi. Tu lui dis au revoir, complètement. Ça y est, il est parti. Alors, petit lycée. Ah. Je croyais qu'il faisait pas d'internet en même temps. Petit lycée. Ouais, je pense qu'on devrait être payé. Parce que moi, je trouve que c'est trop chiant d'élever des gosses. On n'a pas que ça à foutre dans la vie, il y a déjà le boulot, tout ça. Alors si en plus faut élever les miches, non. Donc se faire payer, ce serait bien cool. Mais tu peux préciser? Bah c'est du boulot d'élever des gamins. En plus on doit ça coûte beaucoup d'argent. Ouais mais dans ce cas-là la bouffe tout ça. Ouais mais de toute manière t'es avec quelqu'un dans ce cas-là vous essayez de jouer à tour de rôle. Un coup c'est toi qui l'emmène à l'école, un coup c'est ta copine ou vice versa. Mais s'il y en a qu'un qui travaille aussi. Ouais voilà ouais parce que. Et bah s'il y en a qu'un qui travaille, l'autre peut l'emmener. Je suis désolé hein. Ouais ça. Marie Popper. Popper. Ouais. Bah moi, en fait, je pense aux femmes qui ont arrêté de travailler pour élever leurs enfants. Et je me dis que, bon, elles perdent un salaire. Donc, ouais, ça serait logique, à la rigueur, qu'elles soient payées pour élever leurs enfants. Ouais, mais ça, à perdre un salaire, parce que, bon, c'est un congé parental. Bah oui. Bon, donc, elles sont... non, attention, à peur. Bon, Fildar, tu m'éteins ce truc-là, ça commence à bien faire. Il y en a qui perdent leur boulot hein, quand elles sont enceintes, donc... Non, ça, je suis désolé, parce que normalement, les employeurs n'ont pas le droit de virer des femmes enceintes. Mmh. Ça, je suis désolé. C'est interdit par la loi et par le règlement. C'est pas le débat. Non. Normalement, ils ont pas... Il y a des copines qui ont démissionné quand elles ont eu leur gamin, parce qu'elles voulaient l'élever et elles pouvaient pas avoir de congé parental. Bon, ok. Bon, ouais. Manu ? Oui, je voulais dire qu'à la place de Rémi sans Mifa, on va accueillir Framboisier, il est très musclé. De Paris. Ah, c'était bon, ça. C'est Framboisier, je suis une masse. Bonsoir. Je suis une masse. Bonsoir. Oui, alors moi, je tenais à préciser, bonsoir Gégé. Bonsoir. Je tenais à préciser que j'ai élevé ma petite nièce Justine. qui m'a été confié par ses parents. Non, mais devrait-on avoir un salaire pour éduquer nos enfants? C'est là la question. J'ai mon salaire de musicien. T'es musicien, Framboisier? Tu es musicien dans la vie? Oui, tout à fait. Pildar, s'il te plaît. Non, mais il a raison. Tu le laisses répondre à la question pour un cent. Bah justement, il dit avec mon salaire de musicien, donc je demande s'il est musicien. Tout à fait, je joue du synthé. Ah, d'accord. Je joue du synthé. J'ai élevé d'ailleurs ma petite nièce dans l'esprit Jean-Michel Jarre, AB Productions, tout ça à fond, quoi. Mmh. Voilà. Mmh. Et donc, a priori, il paraît qu'elle aurait mal tourné parce qu'il paraît que maintenant, elle serait dans des séries à deux balles et qu'en plus, ouais, elle taquine un peu, quoi. D'accord. Mmh. Marie Poppers. Ça y est, Gérard, je t'ai répondu. Chantal Goyave. Ouais, moi, comme mon idole, Chantal Goya. Elle a éduqué beaucoup d'enfants avec ses chansons. Mm-hmm. Et elle a bien été payée. Je pense que maintenant, elle est, je sais pas, elle possède beaucoup de yachts, à Cannes, tout ça. Elle est vachement riche, quoi. Justement, Gérard, Marie Poppers, c'est pas Marie Poppers, c'est Chantal Goya. Chantal Goya, justement, elle pose une bonne question. Enfin, ça me donne une question à te poser. C'est, est-ce que tu crois que la télé, genre tout ce que faisait Dorothée, tout ça, Chantal Goya, la télé. Voilà, merci Manu, merci mon petit tout con. Ok. C'est vrai ça. Okay. Est-ce que la télé peut éduquer les enfants quand ils restent, tu vois, plus de 2-3 heures devant la télé tous les jours? Ah non, mais ça, faut bien se dire une chose, que c'est Marie Poppers qui l'a dit tout à l'heure. Mm. C'est vrai que de laisser un enfant toute une journée devant une télé à regarder des dessins animés, fais-moi confiance qu'à la fin du coup, ça va pas l'éduquer, hein. Mais ça dépend ce qu'il regarde. Ouais, non, mais si c'est pour regarder des dessins animés. Est-ce que regarder le Big Bill, par exemple, ça éduque? Ouais. Oui. Ouais, oui, justement. Justement, explique-nous. Si, ça éduque parce que ça fait. Ça prend les mots, tout ça. Ça te fait chercher dans ta tête pas mal de trucs et ça éduque. Ah, s'il faut choisir entre la mère, le fils ou la fille. Tiens, t'as qu'à prendre un nouveau truc sur la pro aussi, c'est pareil, t'essayes de retrouver des titres de chansons. Ça fait comme Max le soir quand il fait gagner des trucs. Ça, c'est vrai que ça. C'est mémotechnique en fait. Non, mais ça te permet de connaître, d'essayer de voir. Tes trucs musicales. Mm-hmm. Ah, mais Gérard, à l'école, ils t'apprennent pas du tout ces trucs-là, ça n'a rien à voir avec les Ouais, non, mais ça, avec, c'est vrai que là, on va un peu loin sur les trucs qui s'amusent On va où, là? Dis-moi. Sur ce qu'il nous dit. Donc, c'est vrai que sur l'éducation, c'est vrai que maintenant, c'est aux parents d'essayer de faire quelque chose. Parce que voir des jeunes qui traînent dans la rue jusqu'à deux heures, trois heures du matin. Son fils, hein. Ouais, mais ça, c'est les parents, hein. De toute manière, si les parents n'ont pas d'autorité envers leur enfant, automatiquement, ça ne servira à rien. Hein. Bah, c'est comme ça. Hein. Ouais, mais il peut rentrer avec de la fièvre. Ouais, mais ça, c'est eux. C'est comme ça. Hein. C'est une affaire de famille, hein, c'est tout. C'est sûr. Pour ceux qui boxent avec les mots. Et Gérard, il y a Turpentine, elle voulait savoir comment est-ce qu'on peut éduquer un enfant à trois épaules et au sourire de mots croisés. Parce qu'elle n'a pas osé de parler de. Non, mais je vois. Moi, je vois, moi. Déjà, des mots croisés, c'est vrai que ça peut creuser comme. Ça peut creuser la tête, comme on disait. Dedans, ouais. Donc, faut que tu regardes sur l'audico. Au sourire de mots croisés. Ouais. Qu'est-ce qu'elle veut dire? Qu'est-ce qu'elle veut préciser par là? Parce que je comprends pas. Je comprends pas, là. C'est pas des dents en forme de piano, quoi. T'as des pianos, tu vois. Non, je pense pas. Des blanches, des noires. Non. Alors, donc, la quatrième question, puis on va se retrouver juste après pour la suite. Et la suite. Suite et fin de ce débat-là, en espérant qu'on fasse comme le premier, qu'on aille jusqu'à la dixième. Ça serait bien. Donc, la question, c'est à quel moment de la journée peut-on éduquer nos enfants? Donc, vous réfléchissez. On s'écoute Alain Bouchon. Avec Allô Maman Sodo, dis-moi pourquoi il me l'a mis, c'est pas gros, donc c'est trop gros. C'est trop gros. Répète-le. Répète-le d'une seule traite. C'est Allô Maman Sodo. Non, Alain. Alain Bouchon avec. Non, Bouchon. Un Bouchon avec Allô Maman Sodo, dis-moi pourquoi il me l'a mis, c'est trop gros. Et on se retrouve tout de suite après au 0803-08-5000. Et voilà, c'était Alain Bouchon avec Allô Maman Sodo, dis-moi pourquoi il me l'a mis, c'est trop gros. Et donc, on se retrouve pour la suite et fin du débat sur l'éducation. Il est 2h16, donc pour l'instant, tout se passe bien, vous êtes sur Fun Radio. Manu vous attend Vous êtes en standard, donc vous êtes nombreux à appeler, mais on n'aura pas de place pour tout le monde. Et puis toujours le www.fr, Fun Radio, c'est Rigo qui vous attend. Et le Minitel quand même, 3615. Et le Minitel, ouais, Minitel 3615, code Fun Radio, rubrique direct. D'ailleurs, on est pas mal, on est encore 52 connectés, c'est sympa. Oh, vache! Il y a pas mal de gens qui sont en train de réviser leur partiel, leur bac, tout ça, et qui en profitent pour mettre d'autres messages. Et il y a Toy, qui a 24 ans, et qui dit, excusez-moi pour l'écriture, les potes, mais j'ai encore les idées troubles quand j'ai vu une grosse baleine à l'aquarium de Biarritz. Et aussi, je voudrais dire à mon ami GG de Fun Radio que ces débats, ils sont super et que je vais pas me pioter maintenant parce que c'est trop cool. Ah bah c'est bien. Sympa. Hein. Sur l'IRC, on est combien? On a monté, on est 8778. Ça grimpe, hein, putain, comme à la bonne époque. Et alors, il y a un petit truc vite fait de Fesse de Babouin qui a fait des recherches. Alors franchement, on peut le féliciter. Il dit que d'après d'éminents scientifiques, le prénom des enfants influencerait leur comportement et leur évolution, favorisant parfois leur éducation. Ainsi, les enfants appelés Stéphanie, Cécile, Apolline, Claude et Nicolas seraient très avantagés, intelligents, beaux et drôles, tandis que les prénoms Roselyne seraient le pire, il engendrerait des filles grosses, connes, moches et très difficiles à éduquer. Ben moi je l'emmerde pour ce qu'il vient de dire sur l'autre nom, donc je m'en fous. Donc la question, ben on va récupérer Petit Lycée. Pour moi. Ouais. Petit Lycée. Mon pote GG. Framboisier. Oui, tout à fait, Framboisier. Marie Poppers. Toujours là, Gérard. Et Chantal Goyave. Toujours là aussi. Donc alors la question, vous l'avez entendue. Ouais. Donc alors, ben tiens, Petit Lycée. Ouais, bah moi j'ai eu un gros problème, j'ai pas entendu la question. Non, je lui parlais pendant que tu la posais, c'est vrai. Alors, c'est vrai. Tu lui répètes en je ne viens plus non plus. Vas-y, répète mon pote. Ah bah, quelqu'un, tu vas voir, je suis sûr que à tous les auditeurs... À quel moment de la journée peut-on éduquer ses enfants? Comment? Voilà. À quel moment de la journée peut-on éduquer ses enfants? Alors, bah ça dépend, en général, quand t'as un gosse, tu t'en occupes toute la journée, même le soir, très tard, à 3-4 heures du matin. Surtout au début, quand il a 3 mois, tout ça, qui fait ses petits cris et tout. Et voilà quoi, donc faut te donner un plein temps pour tes enfants, Gérard. Mm-hmm. Donc voilà. Ouais, Framboisier. Ouais, bah écoute, moi aussi je fais mon job à plein temps. Faut faire son job à plein temps, ouais. Voilà. Non, attends, petit lycée, s'il te plaît. Toi, non ouais, non, mais je fais petit lycée. Des trucs, hein, dans les transports. Petit lycée, s'il te plaît. Excuse-moi. Merci, donc Framboisier. Bah écoute, c'est vrai que donc ça prend pas mal de temps dans la journée quand même. Hein. Ça se fait très tôt le matin, très tard le soir, c'est comment c'est, les biberons, les couches à changer. Mmh. Je sais que tu es calé pour ce qui concerne les couches quand même, c'est clair. Donc voilà, c'est pas rien de faire un enfant, donc faites pas des enfants à la légère, quoi, tu vois. D'accord. Ah bah ouais, ça s'improvise pas quand même. Si t'as déjà, je sais pas moi, genre, imaginons, t'as un boulot, ça te prend, allez, 3 heures par semaine, on va dire, un soir dans la semaine. Un jeudi. Bon, ouais, par exemple. Déjà, je vois pas comment, avec un emploi du temps aussi chargé que ça, tu pourrais avoir, tu vois, assumer un enfant facilement. Ouais, c'est clair, c'est dur. Forcément, ça complique les choses avec la vie professionnelle non active d'aujourd'hui, quoi, tu vois. Marie Poppers. Marie Poppers. Surtout si c'est des jumeaux, effectivement. Marie Poppers. Bah moi, je pense que c'est 24 heures sur 24, quoi. Et c'est en fait ce côté-là qui me gêne, d'être toujours à la disposition des gamins. Enfin, tu vois, j'aime bien avoir mon temps à moi, donc voilà, 24 sur 24. Ouais, mais ça, de toute manière, c'est faut se dire une chose, que là-dessus, c'est toi qui es consentante dès le départ quand tu as voulu avec ton copain en avoir un. Donc maintenant, faut que tu assumes la responsabilité, que dans la nuit... pour les biberons, c'est à chacun votre tour de lui donner. Hein. Parce qu'elles disent oui pour se faire sauter, puis après elles n'assument pas. On était très bien contents. Quand non, mais attendez. Parce que là, faut quand même pas aller trop loin sur les. Ils sont là, oui, vas-y, c'est bon, et après elles n'assument pas. Oui, après tu disais pas non. Hein. Ah, mais ils montaient sur moi tout ça. Là. Ouais, mais ça, d'accord, mais faut se dire une chose, qu'il y a quand même une part de responsabilité des deux côtés. Hein. Ouais, mais bon. Chantal Goyave. Assumez. C'est pas que je veux dire que tes auditeurs sont un petit peu bêtes, mais je le dis quand même. Ok, très bien. Tu vas pas faire long feu, toi, quand même. Non, parce que... Signer ton heure est mort, toi. Framboisier ou Petit Lycée, oui, c'est la deuxième fois que je vous dis de vous calmer quand les gens parlent ou sinon vous gerbez au standard et je reprends deux autres personnes, d'accord? Ouais, ok. Bah moi, je pense qu'ils disent n'importe quoi, parce qu'en fait... Le truc, c'est que la nuit, ils dorment, donc il n'y a pas les éducateurs. C'est faux, non. Non, attends. À l'école. Tu me laisses parler, s'il te plaît. Non, t'es mytho, toi. Ouais, sérieux, ouais. La journée, ils sont à l'école, donc c'est l'école qui les éduque. Non, je t'écoute. Et voilà. Donc, c'est n'importe quoi, hein, tu peux les dire. Ok, super. Mais la nuit, ils font leurs dents et tout, parce qu'il y en a qui font leurs dents, c'est pas parce ouais, que... Ouais, ben, pas les miens. Machin, tu vois, mais il y en a qui font toutes leurs dents. Donc, attends, attendez. C'est tout. Hein. À 21 ans, t'as déjà des gamins, toi, Chantal? Non, je parle des miens, je parle de mes petits frères, mais bon, c'est pas grave. Mais non, ben moi... Non, mais regarde, tu parles, tu connais rien de la vie. Tu connais rien de la vie. Oh, je les trouve bêtes. Et voilà, et après, il dit qu'on est bêtes. Non, mais GG, tu vois. La prochaine qui s'amuse à dire morue, dégage. Non, mais c'est vrai, elle a raison. Hein. Moi, je la soutiens. Merci. Mais c'est qui vient de dire ça? C'est pas moi. C'est le petit lycée. Ah non, c'est pas moi, ça. Mais lui, il a raison. Non, c'est Framboisier. Voilà. Ah non, moi, je suis pas du tout d'accord avec elle. Hein. Non, moi, je suis désolé, elle a pas d'enfant, elle sait pas de quoi elle parle. Ouais, voilà, frères, on est bêtes. Ouais. Après, c'est pas mal, on est ah ouais là. Mais non mais attends, si t'as des frères, les frères tu les as pas chez toi. Eh ouais, c'est pas toi qui les a sortis d'entre tes jambes non plus. Ouais voilà hein. Voilà. Moi je sais ce que c'est. Moi je sais ce que c'est, j'ai vécu tout ça déjà. C'est une grosse tantôt, il sait ce que c'est. Alors ça va, mais c'est pas bête tes auditeurs. Manu s'il te plaît. Allez hop, tu blagues. Que fais-je? Non, déjà, pour l'instant. Dis qu'on est bête, GG. Ouais non mais pour l'instant, Manu. Alors là, Manu. Tu ouais. sors Framboisier, petit lycée, tu leur dis au revoir. Allez. Tu leur dis au revoir. Ça y est. Gérard, et sinon sur IRC, il y a Turpentine, elle te demande si toi, Gégé, tu as bien été étrouduqué. Non, bah, j'y réponds même pas parce que c'est même pas ce qu'elle veut dire. C'est même pas ce qu'elle veut dire. Alors, si c'est pour taper sur l'IRC et pas savoir poser une question, ça devient grave hein, chez elle. Ça se trouve, elle s'est endormie sur le clavier, elle tape n'importe quoi. Je pense. Bon, un petit sondage ou pas là genre par rapport à la question là, je crois qu'il y a un moment où on parle justement de la durée et quand est-ce que c'est important d'éduquer les enfants. Dans la première, je crois, non? Non, avec aimez-vous éduquer. Aimez-vous éduquer, donc 35% aiment bien ça quand ils ont le temps. Oui, ben ça c'est ça, bah, ça revient. Ouais. Et 24% préfèrent le prendre avec à la pause le faire pendant la pause déjeuner. Ouais, ça, je suis d'accord. Avez-vous déjà eu recours à l'éducation? Donc 47% jamais pendant l'amour. Normal. 34% avaient laissé leur messagerie. Leur messagerie de quoi? Le portable, donc ils n'ont pas pu répondre. Enfin, ils n'ont pas pu avoir leur réponse. 22% me retournent la question et 16% estiment que quoi? Bah, quoi, c'est pas marqué? Non. Mais il y a un problème. Il y a eu un problème d'impression. Donc ça, c'est bon. Savez-vous pourquoi éduquer les enfants est-il cher? Ah ouais, ça c'était la question, devrait-on avoir un salaire? Donc alors, je réponds à cette question-là avant de passer à la cinquième. 57% pensent que c'est parce que la vie c'est comme ça, bah oui, ça je suis d'accord. 20% disent que... T'inquiète, ça arrive. 20% disent que c'est parce qu'on n'a pas toujours ce qu'on veut, mon gars. Ah. Voyante. Et 20% estiment que les gosses sont cons, plus c'est cher, ouais, d'accord. Et 1% travaille, ouais, d'accord, ça je le dirais même pas. C'est-à-dire? Non, mais ça c'est... Quoi? Non. Hop. C'est quoi le... Vas-y, répète-le. Non. Je m'en souviens. Ça c'était connerie, alors donc ça c'est... Mais non, mais... Ça. Peut-on utiliser d'autres personnes pour éduquer nos enfants? On va demander à... Alors, qui c'est qu'on récupère là? Justement, j'en ai retrouvé qu'un pour l'instant. À la place de Framboisier, on accueille le grand Grégory. Bonsoir. Ta fréquence 97.8. Ça provoque. C'est le grand Grégory. T'as pas assuré, Manu. Ouais, je pense. Quoi? Pourquoi? Parce que... Je pense que tu l'as fait changer de nom. Non, il est basketteur, t'es basketteur. C'est parce que je l'ai eu sur l'IRC. Ouais. Grégory, il voulait passer et... Moi, j'estimais que sur IRC, il n'était pas bien. Maintenant, on va voir s'il est bien à l'antenne. Alors, justement, son vrai nom, c'est Kenneda. C'est tout ce que je sais. Ah, okay. Non. Il parle peut-être mieux qu'il ne tape. Là, peut-être. Alors, Kenneda. Tu peux te passer pour un imposteur. Je suis une ninja mystère, merde. Donc, vas-y, grand Grégory. Alors, vas-y. Écoute, tout à fait. Je pense qu'on peut avoir recours à d'autres personnes pour faire l'éducation de ses enfants. Tu peux préciser? Moi, je sais que... Non, j'allais dire une connerie. Moi, je sais que j'ai recours à des gens qui m'aident. Donc, quand j'ai des trucs lourds à trimballer, tu vois, voilà. Non, mais je te parle d'éduquer les enfants, je te parle pas des trucs lourds. L'éducation, les sacs plastiques, tout ça, quoi. Donc, voilà. Et puis, faut les emmener au bord de l'eau, quoi. Voilà, faut les emmener faire de l'éveil aquatique, on va dire. La baignade. Donc, on ne citera pas de marque, mais Aqualand, Aquaboulevard. Non, bah alors, c'est bon. T'es aussi con que sur l'IRC, Rigo, il avait bien raison. Allez, hop, au revoir. Hop, terminé, lui. Il est bien. Il est con. Il est bien comme sur l'IRC. C'est bien Kenneda, ça. Hein. Ouais, un tocard. Hein. Il ferait mieux de rester sur l'IRC. Il passe deux fois dans l'année, mais ça suffit. Oh, putain. Marie Poppers. Poppers. Ouais, Gérard. Donc, alors, toi Moi, je suis donc éducatrice. Donc, il y a des gens qui font appel à moi pour élever leurs enfants. Et quand j'aurai des enfants, je ferai appel à des gens pour élever les miens. Ouais. Je trouve ça aussi bien. Chantal Goyave. Moi, pas du tout. Je trouve que, ouais, c'est bien. C'est bien d'utiliser des personnes comme Marie Poppers. Merci. Grâce à elle, c'est bien. Elles éduquent nos enfants. Et, et je crois que Marie Poppers. Je t'avais passé mon fils une fois, mon frère. Bon, parle pas de ça, s'il te plaît. Non, mais si c'est pour régler non, des. C'est passé bien. Je vais dire que ça s'est très bien passé. Bon, alors donc, la question, c'est peut-on utiliser d'autres personnes pour éduquer nos enfants? Donc, c'est vrai que personne n'a pensé à parler des grands-parents. Ah, moi, j'en ai pas de grands-parents. Ouais, non, mais d'accord, mais moi, je peux te dire que tu peux très bien avoir recours aux grands-parents pour éduquer tes enfants. Manu? Je voulais dire qu'à la place de petit lycée, on accueille Il Gugu. Il va se présenter tout seul. Il n'est pas d'extraterrestre. Bonsoir Gérard. Pas d'homosexuel, on l'a dit aussi. Ta fréquence. Ok, bien il bebar. Attends, et tu commences à être poli, toi, parce que sinon tu retournes au standard. J'ai rien dit de méchant. Donc, moi, j'appelle 97.5. Et je viens de Brest. Ok, donc tu peux répondre à la question? Non, j'ai été au standard, désolé. Alors, peut-on utiliser d'autres personnes pour éduquer nos enfants? Oui, tout à fait. Alors déjà, à la crèche, c'est d'autres personnes qui s'occupent de nos enfants quand ils sont plus petits. Et puis après, on peut demander à une nounou, par exemple. La nourrice, ouais, ça aide bien, ça. Ouais. Ça, de toute manière, il y a beaucoup de parents qu'on recourt à trouver une nourrice pour garder leurs enfants. Hein. Bah ouais. Ça se fait régulièrement. Mais à partir de quel âge on peut les mettre en nourrice? À partir... 12-13 ans, elles sont bien. Non, 12-13 ans, ça va pas. Tu commences à partir de 5 ans, 5-6 ans, dès qu'ils ont l'âge pour aller à l'école, parce que si t'as pas le temps de les emmener à l'école, c'est la nourrice qui s'en occupe et qui va aller... Ouais, mais si, t'as pas besoin de nourrice s'ils vont à l'école. Oui, mais faut bien... À moins que tu les laisses le midi à la cantine, et que tu les récupères le soir. Mais le soir, si tu finis tard du boulot, donc automatiquement, t'as pas forcément de garderie dans toutes les crèches. Donc, il faut que tu aies une nourrice qui soit apte à s'occuper de lui jusqu'à temps que tu rentres. C'est-à-dire lui donner son goûter et lui faire manger le soir le temps que tu arrives. Changer la couche. Ouais, mais ça, à 5 ans, quand même, il va déjà sur le pot. Bah non. Ah oui, à 5 ans, il va sur le pot. Ouais. À 5 ans, il chie déjà dans le pot. Ouais. Il faut l'essuyer quand même. Voilà. Voilà. Donc, question IRC. Donc, pour parler de ça, il y a Perfora sur l'IRC. Il demande si t'es plus pour une éducation laxiste ou plutôt laxative. Alors, s'il pouvait préciser, parce que je comprends pas du tout ce qu'il veut me sortir encore comme connerie, lui. Ouais. Bah, c'est pas du tout une connerie. Ouais. C'est que une éducation laxiste, c'est que tu es cool, tu vois, avec tes enfants. Laxatif, c'est avec des pruneaux. Voilà. D'accord. Ok. Ouais. Ça, merci. Donc, t'es plus pour quoi? La première. Bingo. Ok. Oui, Manu. All right. À la place de je sais plus qui. Kenneda. Kenneda. On n'a jamais eu de je sais plus qui. Non, c'était Kenneda ou Ultraman, en tout cas. Ouais. On accueille Bernard Minou. Poldo, Ultraman, tout ça, la même lignée, quoi. Oh la honte, tu te calmes, toi. Oui, bonsoir, c'est Bernard Minou. Ta fréquence 103.7. Donc, alors pour toi, la question? Ouais, bah tout à fait. Je pense qu'il faut explorer tous les champs de diversification de la pensée humaine. Donc, peut-on utiliser d'autres personnes pour éduquer nos enfants? Moi, j'ai recours à une jeune fille au père suédoise. Il y a au demeurant une paire magnifique d'ailleurs. Et elle s'occupe de moi, mais également. Attends, t'as quel âge toi? Elle a quoi, une paire de couilles? Mes enfants, 32 ans. C'est pour ça qu'elle s'occupe de toi. Ouais, voilà, ouais. À 32 ans, t'as besoin de quelqu'un pour s'occuper de toi encore? Ah bah tout à fait, j'ai un emploi du temps de ministre, donc... C'est ça, prends... Ah bah non, mais j'ai un emploi du temps chargé, j'ai plus rien. Ça. Prends-moi bien pour un coup. Non, regarde, Max, il a 29 ans, il a plein de trucs à faire, c'est pareil, moi j'ai des trucs à faire, j'ai 32 ans. Mais alors, mais Max, il a besoin de personne pour s'occuper de lui? Bah non, mais il a pas d'enfant, c'est normal, il va pas avoir une jeune fille au père. N'importe quoi, là. Je suis sûr que l'idée l'intéresserait, entre parenthèses. Je vais lui en parler, ouais. Ah, ouais, bah, bah tu lui en parleras lundi, tu lui laisses un message répondeur. Bon, Gérard, ouais. Je passerai le voir, t'inquiète. Gérard, sur le Minitel, il y a Feeble qui te demande si les centres aérés sont une bonne façon aussi d'éduquer ses enfants quand on fait l'amour avec sa femme. Au moins, il y a la clim là-bas. Non, mais ça, ça, déjà, les centres aérés, c'est pour... Too much. Tu te mets au centre de l'arrêt et... Ouais, j'en connais un tout à l'heure, il va retourner au standard. Donc, Gérard. Donc les centres aérés, c'est vrai que, mais pour quand tu fais l'amour, non, parce que c'est des centres aérés, c'est pour le mercredi, c'est pour les enfants. Oui, mais justement, est-ce que tu peux mettre tes centres aérés pour qu'ils se fassent éduquer là-bas, pendant que toi, par exemple, tu t'occupes à faire ouais, autre mais, chose, genre mais, faire l'amour avec ta grosse. Non, mais pour un centre, t'as pas la boîte, ils s'amusent que comme ça, hein, que t'as pas d'éducation. Là, ils éduquent pas, ils les laissent jouer, ils s'en occupent pas. Si, mais ils sont là pour les surveiller en cas où ils se feraient mal, parce que de toute manière, on peut se dire une chose, que dans les centres aérés et dans les écoles, et ça, je pense que Marie Popper va être d'accord avec moi, même Chantal. Goyave. Et les colonies, hein, les colonies de vacances aussi. Ouais, mais ça, justement, il y a des assurances là-dessus que, qu'il faut payer. Ah ouais. C'est aux parents de les payer. Donc, il y a quand même, je crois qu'à l'heure actuelle, ça doit coûter 100 francs. T'es sûr de ça ? Oui. Par enfant, par enfant ou par groupe ? Non, non, pour l'enfant. D'accord. Ouais, donc, si t'as. C'est 100 francs pour se faire éduquer ? Non, non. C'est 100, t'as une assurance qui est prise, que tu payes pour si par exemple il se fait mal. Donc, t'as payé ton assurance. Donc, là, avec l'assurance, eux, ils sont couverts du côté de l'école. Attends, mais le gamin, il est garanti ou pas ? De toute manière, le gamin, s'il se fait mal, il va à l'hôpital et c'est. Ouais, c'est non, mais attends, si, c'est tu pas... casses, mais... si tu le casses, on t'en donne un autre neuf à la place. Ouais, c'est n'importe quoi. Il y a quoi. Le trafic d'organes pour changer. Non, mais non, par exemple, pendant la colo, il se casse un genou. Ouais. Est-ce qu'on l'emmène à l'hôpital et on lui met un genou en bois ou une rotule en bois ou un truc? Non, non, mais là, selon. Selon ça. Bon, ouais, tu me dégages ces deux-là, là, parce que j'en ai marre de les entendre. C'est chaud, on va plus avoir de musclés. Pour te calmer, il y a, sur IRC, il y a Quartz qui pense qu'en fait, t'aurais été plus qualifié pour nous parler de la rééducation plutôt que de l'éducation. Mais ça, on va en parler. Non, justement, on n'a pas de question. Ah non, on va parler de l'éducation sexuelle. Ouais, ça, c'est la neuvième question. Et ça va vous faire plaisir, les salopes. Ah, c'est mieux. Non, mais Gérard, c'est. Déjà, j'ai viré Apolline parce que c'était pas un dortoir ici, donc toi c'est pareil. J'ai mal aux jambes. Non, mais moi je veux pas le savoir. Tu te mets comme, tu te tiens correctement, d'accord? Parce que voilà, moi je peux faire pareil aussi. Ouais, attends, c'est pas un siège, hein. On n'est pas dans un dortoir, hein. D'accord. Arrête de nous traiter de salopes. Voilà. J'aime bien qu'on me traite de salopes. Toi, pour un instant, tu te calmes. Pas de private. Alors, l'éducation existe-t-elle pour les enfants? Bonne question. Oui. Bonne question. Qui commence à parler? Marie, qu'est-ce qu'il fait? Marie Poppers. Ouais, Gérard. Tu vois, les enfants, ils ont des poupées, machin, donc ils s'entraînent dès leur plus jeune âge avec des kikis, des nounours, des machins. Mmh. Et puis, ils copient leurs parents, en fait, l'éducation, c'est de copier l'éducation qu'on a reçue. Ouais, mais ça, oui, tout à fait. Je m'excuse 5 minutes, Marie Poppers. Pas de problème, Gérard. On récupère deux auditeurs. Donc, à la place d'Ilgugu, on accueille Jackie. Et à la place de Bernard Minou, on accueille Corbier. Le Jackie Show. Dans 2 minutes, le Jackie Show. Dans 2 minutes, le Jackie Show. C'est dans combien de temps? Dans 2 minutes, le Jackie Show. Non mais ça va là. C'est ce qu'il y a dans 2 minutes. C'est le Jackie Show. Le Jackie Show. Avec Jackie. Les bandes de tarés. Ouais, bah ils sont aussi tarés que toi. Alors toi, ta fréquence. Et Dorothée. Ta fréquence. Alors moi j'appelle de 97.5. Et Cordier? Et Cordier, c'est 101.8. Cordier, lui, des flics. Enfin, ils sont trois. Heureusement qu'il y a deux nanas qui savent répondre aux questions, parce que sinon, ça devient la débandade, là, depuis qu'on a mis Manu au standard. Non, c'est le bordel. Je crois que ça devient le vrai bordel. Alors, Marie Popper, c'est parti, elle a raccroché, excuse-moi. Ouais. Tu la rappelles. Moi aussi, j'ai envie de raccrocher. Pourquoi? Parce que t'as deux connards. Ouais. Bien sûr, tu vas prendre un coup de guitare, toi. Hein. C'est Corbier qui va mettre un coup de beubard, ouais, tu vas voir. Ouais, elle est revenue. Hein. Beubard en bois. Oui, mettre un coup de frisouille, mon pote. Bon, on en a là quelle question, Gérard. Gérard, on en a là quelle question, on mettra un petit disque après pour aérer. J'en connais un. Faut offrir le studio. Ça a besoin. Non, ouais, surtout toi. Faut qu'on fasse un plan avec ça. L'éducation qui est faite pour les. À laquelle on repense l'esprit plein de chagrin. Hop là, c'est géré. Vas-y, Gérard. Alors, la question, comme ça, vous allez avoir le temps d'y réfléchir, c'est l'éducation existe-t-il pour les enfants? Et on va s'écouter les trois petits cousins avec Viens mon gros loup me renifler dans le bois. Et on se retrouve tout de suite après pour la fin du débat. Les débats, pas de radio et pas d'insultes de Gérard. Et voilà, rebonsoir à tous. Donc, suite et fin du débat sur l'éducation. Merci de me retourner du son, toi. Mais quoi ? Il y en a du son ? Non, j'ai rien du tout. Voilà, maintenant, oui. Donc, suite et fin du débat sur l'éducation. Donc, c'est la musique qu'on venait de s'écouter. C'est les trois petits cousins avec Viens mon gros loup, renifler dans le bois. Et donc, vous êtes toujours sur 101.9 FM. À Paris, parce que tout le monde n'est pas sur 101.9. Il n'y a pas que Paris dans le. Si tu veux, tu mets sur Paris, mais bon. Et donc, toujours l'IRC www.frfunradio. Rigo vous attend. 3615 4 Fun Radio, rubrique directe. Et je les attends. On est combien sur Minitel? Sur Minitel, on est encore 49. Oh la vache. Et sur l'IRC, on a sur l'IRC, remonté, bah, vu qu'on va parler de cul, c'est monté à 9912. Ouais. Oui. On va aller franchir les 10 000, hein, mon salaud. Je sais pas. Je te le dis, moi. Donc, alors, la question, c'était l'éducation existe-t-il pour les enfants? Donc, on va demander à Marie Paupière ce que me l'avait coupé. Donc, je voulais savoir ce qu'elle voulait dire. Bah, je t'avais répondu, en fait, en te disant que les enfants copiaient leur propre éducation sur l'éducation que leur donnent leurs parents. Ouais, mais ça, je pense que moi, si. Si, c'est vrai, parce qu'en fin de compte, c'est quand même nous, parents, qui leur montrons le droit chemin. Les règles de base de vie. Voilà. Donc, Chantal Goyave. Ouais. Donc, pour toi. Bonsoir. Ouais, bonsoir. Sous ta gueule. Hein. Non, c'est que je ne me rappelle pas trop de la question. Oh là là. Je comprends pas, en fait. Excuse-moi, mais je comprends pas. Tu te fous de moi là ou quoi? Non, pas de fiche, Gérard. L'éducation existe-t-elle pour les enfants? Dernière fois que je la répète. L'éducation existe-t-elle pour les enfants? Dernière formation. Bon, ok, je vais répondre. Bon, je... Et où ça? D'abord, je vais vous informer que j'ai terminé ma licence de maîtrise de schizophrénie et scatologie de l'enfance, que je suis actuellement étudiante en morphologie et pathologie infantile. Même la merde, toi. Jackie et Cordier, vous fermez vos gueules, s'il vous plaît, merci. Non, c'est mignon. Jackie et Jean, avec Malory Latouf. Sortilote, le miel dans les oreilles. Bon, je sens, tu peux leur dire au revoir. Hop, au revoir. Au revoir à ces deux-là. Comme ça ira plus vite pour finir les débats. Donc Chantal Goyave, alors donc pour maintenant qu'ils sont terminés, qu'ils sont barrés, on va peut-être pouvoir continuer le débat comme ça s'était bien produit jusqu'à maintenant. Oui. Donc tu me la remets ou quoi là? Allô? Ouais, on t'écoute. J'étais assise sur une pierre, des larmes coulaient sur mon visage. Qu'est-ce qu'elle raconte? Je ne savais plus comment faire pour trouver en moi le courage. J'ai levé les yeux au ciel et là, j'ai vu la lumière qui est bénie en âme. Oh. C'est le genre de personne étrangère, je la foi, je ne sais quoi. Alors, plus tard, tu dégages. En fait, mais elle parle là, écoute. Tu dégages, tu m'éteins ça, parce qu'il y en a ras-le-bol de cette musique. Maître de l'espace. Alors, franchise. Monoclal. Qui appartient à un même clone cellulaire, anticorps monoclal, anticorps spécifique sécrété par des dimorphites, décrivant d'une cellule unique sélectionnée. La fabrication des anticorps monoclos a permis d'importants progrès diagnostiques et thérapeutiques en immunologie et cancérologie. D'accord, je crois que t'as même pas répondu à la question, t'es en train de nous lire un bouquin. Non, tout le monde peut dire, j'ai répondu quand même. Ok. Ouais, Manu. Donc, on va accueillir à la place de Jackie Patrick Simpson-Jones. et à la place de Corby, on va. Pat Le Guen aussi. Attends, on va accueillir Monsieur Cadeau. Oui, bonsoir, c'est Monsieur Cadeau. Bonsoir, Monsieur Cadeau. Alors, Manu. Quoi? Manu. Quoi? Manu, quoi? C'est le troisième avertissement que je te donne, tu m'as rechangé les... Non, non, c'est pas les mêmes. Sous d'autres noms. Non, c'est faux. C'est terminé. C'est faux, c'est pas les fréquences. Ta gueule! Est-ce que tu as ta carte de membre du club? Alors, au revoir à monsieur Cadeau, celui-là, terminé. Galère, moi. Hop, je m'en fous. Attends, t'as vu quand la cadence tu les vires? Non, mais c'est vrai, sérieux, pourquoi ils peuvent pas rester? Je vois pas l'intérêt. Non, non, attends, tu les vires, tu reprends d'autres personnes. Je le calme. Non, non, non, tu le vires. Alors, j'appelle de 96.6, Clermont-Ferrand. Ok, donc tu peux répondre à la question? Ah non, j'ai pas entendu, désolé, j'étais au standard avec Manu de Fran. Alors, l'éducation existe-t-elle pour les enfants? Oh, il le savate. Il a savate des grâces. Vous dégagez le studio. Je crois qu'il m'a cassé le dos, j'ai vu ça. Quoi, tu sais? Toi, c'est... Je dis... Radio, tous les matins. Vas-y, Gérard. Vas-y, Gérard. C'est fantomique. Ouais, mais c'est pas l'heure. Patrick. Ah, c'était éveillé, hein, c'est dans 4 heures. Bon, Patrick. C'est une petite totalement, je suis au chômage, je suis en galère. Alors oui, il est tout à fait possible d'élever ses enfants, c'est clair. Ben. Je pense que ta question est très très mal posée. Enfin, j'ai du mal à comprendre, hein, entre nous, Gérard. Les enfants peuvent avoir une éducation, c'est clair. On va avoir une éducation. Tu le vires. Qui peut faire une éducation tout seul, Gérard, voilà, eux-mêmes, ouais. Eux-mêmes? Oui. Oui, c'est possible dans ce cas-là si les parents ne s'occupent pas d'eux et si personne n'est derrière eux. De cette manière, tu reviens à la question, à la réponse que Mary Poppins donnait. Ah oui, mais parce qu'en fin de compte, de toute manière, si les... Tout le monde va te répondre ça, hein, tout seul. Non, mais de toute manière, elle a bien répondu, donc l'éducation d'un enfant vient de l'éducation des parents. Voilà, c'est tout. Pas forcément. Si. Les parents ont peut-être été mal éduqués et se sont rattrapés sur le temps et éduquent bien leurs enfants. Ça arrive aussi, ça. Chantal Goya, t'arrives. Avec sa main dans le cœur, tous les soirs, il fait un vrai malheur. Oh, on y va, là, merde. Alors, pour remettre le débat ou pas, Gérard, là? Pour remettre d'aplomb et repartir dans un calme, une sérénité, on va accueillir Pat Le Guen à la place de Monsieur Cadeau. Bonsoir Pat. Bonsoir, c'est Pat Le Guen, bonsoir à tous. Bonsoir l'équipe. Pat. Salut Pat. Bonsoir à toi. On peut quand même dire qu'on a une sacrée éducation tout ça. Ta fréquence s'il te plaît. C'est 88.9. D'accord. Pat Le Guen sur RC, on me demande si t'as le numéro de Valériane pour l'appeler. Oui tout à fait, d'ailleurs je tenais à préciser. Ah putain, okay. C'est mon proche. À tous ceux qui kiffaient les rousses, qu'elle s'est fait décolorer. Donc, on va l'appeler là alors, c'est bon. Tu vas passer le numéro à Manu? Ouais, j'ai passé le numéro à Manu, on va appeler Valériane. C'est ça. C'est Ariane. Non, c'est Valériane. Ah c'est ça. Tu crois que tu as t'amusé à la faire venir sur l'antenne lors des débats, toi? Bah, tu rêves. Dis-moi. Non, tu rêves. Et alors, tu vas y arriver, t'es qu'un gros bouffon, Gérard. Attends, quoi, tu dégages. Bah, hop, Chantal. C'était laquelle? Chantal, hop, terminé. Chantal, c'est terminé pour elle. Chantal, tu lui dis au revoir. Alors, septième question, et après on va s'arrêter là, parce que ça devient un peu le bordel. Bah non, jusqu'au bout, c'est tout, t'es payé pour ça, c'est tout. Toi, pour l'instant, tu fermes ta gueule, d'accord? Pas de problème. Non, parce que c'est moi qui décide, alors vu que ce soir, le deuxième débat foire, okay, donc je pense qu'on va s'arrêter vite fait, bien fait. Mais non. Alors, doit-on créer une école? Juste avant cette question, excuse-moi de te couper comme ça la parole, j'ai honte. Justement, bah ça y est, hein, j'ai eu Valériane. Yo. À la place de Chantal Goya. Bonjour Valériane. Bonsoir. Salut Valériane. Salut Valérie chérie. J'ai appris que Bernard Minet, il était là. Salut. Bernard Minouz. Il est reparti. Il a parlé à Dessus. Oui. Ta fréquence. Un bruitage de clinque. Il a parlé à Dessus. Ta fréquence. 103.4. Mais maintenant, tu vas écouter un peu les questions, hein, parce que sinon, je te vire aussi. Alors, doit-on créer une école pour... Pat Le Guen et Valériane, vous fermez vos gueules, s'il vous plaît. Sérieux, s'il vous plaît. Doit-on créer une école pour éduquer nos enfants? On va demander à Marie Poppers. Doit-on créer une école pour éduquer nos enfants? Elle existe déjà, l'école. Je pense que c'est le but de l'école, donc oui, continuons à envoyer nos enfants à l'école. Mmh. Mais est-ce que tu penses qu'on devrait en créer des écoles encore? Ah oui, plein. Mmh. Oh, la question d'alcoolique, sérieux. Bon, alors, Patrick, tu dégages, l'alcoolique, tu t'emmerdes, espèce de connard. Tu viens qui, là, Patrick Simpson-Jones? Allez, hop, celui-là, au revoir. C'est bien, Manu. Le standard, bien. Bravo, standard. Manu, tiens, je t'applaudis, Manu. Bon, fallait me laisser à l'arrière. Hein. Ouais. Je pense que là... Tiens, pour recalmer, Gérard. Il a combien d'avertissements, le Manu, là? Là, ça fait le quatrième, je crois qu'il va dégager. Bon, au bout du centième, il dégage. Excusez-moi, l'auditeur, j'ai un auditeur sur le Minitel, Balbuzard, 35 ans, du département de l'Aube, hein, qui m'est cher, qui demande à Gégé... Peux-tu dire à Gégé, donc je lui dis, que je m'occupe de l'éducation sexuelle de Sandy pendant qu'il est à l'antenne avec mon pote Big Bill? Lui aussi? Lui, je l'emmerde, mais j'aime pas les mecs de 3. Une question de 3, hein. Voilà, ouais, bah, non, non, non, ça veut pas dire qu'il est de 3, hein. Non, l'Aube, c'est quel département? C'est département le 10. Alors, Les têtes de cul, y a pas que 3 dans l'Aube. Ouais, tiens. D'accord? Alors, on va te faire enculer, quand même. Gérard, et Yankee qui te demande si tu envisagerais de faire l'éducation sexuelle de tes enfants en leur apprenant la zoophilie comme toi? Non. Et la sodomie? Non plus. Ça s'apprend sur le tas. Manu, ouais. Ouais, à la place de Patrick Simpson. Attention, on accueille Annette. Annette. Oh, salut tout le monde. J'adore Pécouette. Salut, merci. J'ai trop tourné, cochette. Pat Le Guen, tu fermes ta gueule. Pardon. Bon, je sens que le débat va se conclure sur cette question-là. Il reste 10 minutes. Non, il reste 10 minutes. Quoi. Non, on va reprendre dans le calme, les auditeurs. Ouais, un peu. On va essayer de calmer. Sérieux. Ta fréquence? Je t'appelle de Paris, donc 100.9. Ouais, ok. Remets tes lunettes, là. Pat Le Guen, pour toi. Ouais, bah écoute, c'était la question avec tout ce... L'école. Brouhaha. Ah oui, l'école, oui. Moi, je conseille à tout le monde de s'adresser à il y a un organisme qui s'appelle l'Éducation nationale, qui se charge, en fait, depuis quelques temps, en fait, maintenant. Ça fait quelques années, je crois, qu'il se charge de fournir à nos enfants et à nos progénitures une éducation correcte, quoi. Et je voudrais remercier Monsieur Charlemagne pour tout ce qu'il a fait pour le milieu de l'école. Quand même. Valériane. Ouais, moi, je conseillerais une autre école. Ça serait l'école du micro d'argent. Là-bas, ils apprennent à fumer. Comment t'es en bas, toi? Oh là. Pas d'animosité entre auditeurs. Hein. Ouais, bon, Annette, elle est partie. Vous êtes tous, partis d'Abbé. Hein. Vous êtes tous partis d'Abbé, je vous le rappelle. J'apprends. Je peux me trouver des jumelles. J'en connais la semaine prochaine. J'en connais la semaine prochaine qui vont virer des studios, ça va aller vite. Hein. Mm-hmm. Un Manu. Un fil d'art. Ah, merde. Alors, Valériane. Ouais, non, ils m'ont fait quel moral. Quand est-ce qu'on accueille Harry, là, avec les frisettes et les lunettes, là, lui, il fait bien triper aussi. Pat Le Guen, pour l'instant, tu t'écrases, c'est pas toi que je m'adresse. Ah, putain. Ok. Mais alors, Valériane. Ouais, ils ont été trop méchants, je réponds plus. Hein. Donc, alors, dans ces cas-là, tu peux aller coucher. Bah, non, mais alors, repose-toi 2 minutes, Valériane, va prendre un coca à la cafette. Annette, si elle est encore là, non, elle est plus là. Non, elle est partie. Vas-y, c'est Brian, retrouve-moi à la cafette. Vas-y Gérard. Ça y est, alors donc, 8e question. Non, t'as pas répondu toi. De toute manière, qu'est-ce que tu veux que je réponde avec des conneries que vous êtes en train de me faire? Mais tu peux répondre aux questions. Donc, doit-on créer une école pour éduquer nos enfants? Donc, je réponds à ce que Marie Poppers disait. Donc, c'est vrai qu'on en a pas trop, et donc il en faudra encore un peu plus. Mais qu'est-ce que t'appelles une école pour éduquer? Qu'est-ce qu'il y aurait dans l'école? Ben, de tout. Pour savoir comment qu'il faut parler et tout. Et ça, c'est l'école, quoi. Bah oui. Donc, un message pour dire que Pat Le Guen est parti. Donc, qui c'est qui nous reste? Bah, Marie Popper, c'est Valériane. Et il n'y a pas un petit sondage, là, en attendant qu'il trouve quelqu'un d'autre, Gérard? Bah, de toute manière, on va faire la 7e question, comme ça va aller plus vite. Hein. Tu peux pas passer à la 9e, parce qu'on devait parler de cul. Attends, pour l'instant, c'est moi qui commande, donc ça sera la 8e. On va passer à la question 8. Hein. Un petit sondage? Qu'aimeriez-vous éduquer pour le plaisir? Alors 60% Herbert Léonard, n'importe quoi. Mais non, c'est vrai. 35% c'est pour le plaisir, genre. Des gens disent leur sexe pour mieux me pénétrer, donc je vois pas du tout le rapport. 16% pendant... On répond, les cousines... On retire le E qui pue. Ouais, ben ça, c'est bien les questions. C'est bien ton sondage de merde. Mais non, c'est pas moi, c'est Jérigo. Ta gueule, au lieu de te marrer comme un putois. Je me marre pas. Mais non, tu te marres pas, pauvre con. Hein. Tu prends mieux de trouver des auditeurs la semaine. Fini le sondage. Et 0,6% explique que la réponse d'avant, si vous retiriez Le E de cousine, ça fait on n'en sait rien. Cousin, d'un cousin à l'envers, ça fait quoi? Ça fait fermer vos gueules et c'est tout. Voilà. Ouais. Gérard, j'ai retrouvé deux personnes. Ah, alors essaye de pas les virer tout de suite parce que je galère. À la place d'Annette, on accueille Suzon. Et à la place de je sais même plus qui, Pat Le Guen, on accueille Suzy. Salut, mon cher Gérard. Salut, c'est Suzy. Salut, c'est Suzon. Comment tu vas? J'ai Suzon. Bonsoir, c'est Suzy. Prends-moi bien deux traves. C'est des journées de. Ouais, deux traves. C'est énorme. Ils ont parlé d'éducation. La fréquence. Oh, ma gueule, elle est de salope. La fréquence, on appelle de Paris. 100.9. Ouais, toutes les deux. Ah, oui, on est jumelles. Ouais, c'est ça. Alors, dernière. Everyone. Alors, quels sont les avantages et les inconvénients de l'éducation? On va demander à Suzy. Écoute, moi je pense que l'éducation c'est bien, pour la fois on va parler en français correct quand même. Un travelot. Bon, vous répondez ou vous rigolez? Bon allez, merde du professionnalisme. Je pense que c'est bien donc, pour apprendre à vivre en société. Et aussi à faire du patin roulette pour servir des coca dans la cassette quand même. Je voulais savoir ce que Suzon en pense quand même. Suzon, les travelots là. Oh les travelots. Alors ouais, l'éducation, je veux dire que ma soeur, c'est super, c'est trop bien. Yes. Putain. Bah demande à quelqu'un d'autre, Manu. Ouais, Manu, ouais, je les vire. Tu les vires. Allez, hop, voilà. Moi, je vais pas du tout, je travaille pas avec des travelots. Je fais pas du talk show de merde. Ok, ok, d'accord. Hop, hop. Terminé pour ça. Valériane. C'était quoi? Bah j'ai déjà répondu. Non. Non, c'est la huitième. Quels sont les avantages et inconvénients de l'éducation? Alors, les avantages, c'est qu'on peut bien éduquer, ben, ça fait des enfants bien, gentils. Mmh. Les inconvénients, c'est que ça peut faire des enfants mal, mauvais, méchants. Ok. Et Marie-Popine? Poppers. Ouais, Poppers, pardon. Les avantages, c'est que quand même, tu touches les allocs. Les inconvénients, c'est que ça coûte pas mal de fric. Donc voilà, quoi, c'est litigieux, en fait. Mmh. Ouais, ouais, mais attends, j'ai entendu. Je crois non, savoir ce que tu viens de me faire. Tu crois rien du tout, je voulais te dire que j'avais encore trouvé personne. Ouais, bah c'est bien, de manière, on termine avec les deux ah, nanas. Ça y est, je viens de trouver. À la place de Suzy, c'est Christophe Ripper, et à la place de qui? À la place de Suzon, c'est Cricri d'amour. Bonsoir. Bonsoir, c'est Cricri d'amour et Christophe Ripper. Je sais pas que j'adore le dire. Ça va? Vos fréquences? Ouais, non, mais attends. Mais Manu, quoi? Ça commence à bien faire. Alors, moi, c'est Cricri d'amour, j'appelle de Versailles. 101.9. Voilà. Ouais, et moi, j'appelle de Nancy, 97.5, c'est Christophe. Ah bon, je croyais que c'était 83.9, tu te fous de ma gueule, là? Ah non, c'est pas moi, j'ai rien dit. Non. Donc, tu sais quoi alors? 97? 3. Allez, on passe à la question de cul. Eh ben alors, l'éducation sexuelle doit-elle apprise par aux enfants? Donc, bah vas-y, tiens, Valériane. C'était ça, la question de cul? Oui. Répète. L'éducation sexuelle doit être prise par les enfants? Ah oui. Apprise par aux enfants. Ah, apprise. Par les parents? Non, aux enfants. Entre eux. Je trouve ça très malsain. Je sais pas, tu crois que faut que les parents fassent les pauses devant les enfants et que les enfants prennent l'exemple? Bah oui. Mais t'en as bien qui s'amusent à regarder des films de cul à n'importe quelle heure. En famille, ouais, hein. Ouais, c'est vrai, hein, sur Canal. Pas de pub, pardon. Oh, c'est très très malsain, je sais pas. Marie-Popier, non, cri d'amour. Non, attends. On va laisser parler les deux mecs là. Ouais, alors moi c'est cri d'amour. Ouais, les gosses, je trouve que faut leur apprendre le plus tôt possible l'éducation sexuelle pour qu'ils comprennent bien vite qu'il faut se protéger et tout ça. Mmh. Et savoir comment faire. Ouais. Qu'ils passent pas pour un con le jour où ils sont devant la foufoune d'une nana, tu vois ce que je veux dire, genre. Mmh. T'as connu ça, toi? Christophe, pour continuer. Ouais, Christophe Ripper, bah écoute, tout à fait. Moi, dans mes séries, j'essaye de faire comprendre que c'est que l'amour pour les jeunes. Hey, j'ai trouvé bon, c'est Eric. Ah, je savais. donc, Marie Poppers pour terminer. Mirror, you know Coupe-moi la musique là. Coupe-moi la musique. Ça me t'est viré. Oh, ça va t'es dur là. Hein. Oh là là. Bon, moi de manière. Allez, on arrête. Allez, on y va. Sérieux. C'est la conclusion du débat. C'est... Oh non. Marie Popper, bah, c'est terminé. Il est moins 3 là. Non, non, c'est terminé. On arrête après. Il est 2h57. Fais ton boulot jusqu'à. Non, non, il est. Je suis désolé, il est 3h. Donc, terminé. Tu réponds. Marie Popers. Ouais, je te réponds, Gérard. Parce qu'en fait, moi, mon boulot, c'est dans le contrat, on est obligé d'en fait montrer aux enfants dont on s'occupe les positions sexuelles. Donc, ça reste très soft. Il n'y a pas pénétration, mais. Non, on est obligé de leur montrer les poses, comment trouver une pelle, donc tu vois avec la bave, sans la bave, les doigts dans le cul, enfin, c'est tout, quoi, c'est chiant. Là, toi, je le laisse te battre ça la prochaine. Ah, il y a des regards là, qui suivent. Bon, donc, conclusion du débat. Oh putain. Conclusion. Conclusion du débat. Merci. Alors, conclusion du débat sur l'IAC, vu que Gérard n'a pas l'air de se décider. Alors, fesse de babouin, quel paradoxe, Gérard, fait un débat sur l'intelligence. Tu ferais mieux de faire un débat sur l'illettrisme. Ouais, c'est bien. Voilà, c'est clair. Judge de Babouin rappelle que Gérard continue son éducation sexuelle avec les animaux, les ustensiles, bouteilles ou autres, l'exploration anale, et j'ai pas eu le temps de lire le reste, heureusement. Pas offert à Suren, c'était la fille. Et Père Fouras qui dit quand même que c'est un débat qui restera dans tes annales. Donc maintenant on va demander à la conclusion du débat à Cricri d'amour, parce que ça commence à... Attends, j'en ai oublié une, on me dit que j'en ai oublié une. Merde, elle est où cette conne? Conclusion d'Obi-Wan, débat mémorable. Non, je la dirai pas. Bon, alors, cri-cri. Ouais, fleur de peau, lisse ma peau. Dans certains épisodes, je me noyais et tout, donc c'est chaud, quoi. Cri-cri, c'est un Johanna, reviens tout de suite à la maison. Non, je peux pas venir dans le Texas. Alors, j'espère tout d'abord qu'on va pas avoir un procès avec AB, mais à part ça, GG, ton débat, c'était tout naze. Les questions étaient pourries et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Eh ben toi, t'es un con. C'est pas pareil alors. Au revoir. C'était naze, quoi. Christophe. Alors, Christophe Ripper, AB Power en force, donc. L'éducation des enfants, c'est bien. Il aurait aussi fallu parler de l'éducation des adultes, quand même, parce que je pense que ça te concerne. Mm-hmm. L'éducation, c'est aussi savoir manger proprement, se brosser les dents, tout ça. Et je voulais savoir si toi, c'était vrai que t'avais pas appris à lire à l'école, mais sur la carte des vins. N'importe quoi. Toi, tu prends mieux de fermer ta gueule, espèce de connard. Pas de problème. Hop, tu leur dis au revoir à ceux-là. Valériane. C'était de la grosse merde, bon, comme d'habitude. Sinon, ça m'a quand même appris quelque chose. Ah, c'était de la grosse merde. Les enfants de Suren sont beaucoup plus cons que les autres, quoi. Ah bah, moi, je t'emmerde. Alors, au revoir. Marie Popers. Moi, je voulais dire que le débat était très bien. Et ouais, que ça me faisait chier que mon pote Tony boycotte ce soir parce que c'est rigolo. Enfin, bon, bref. Et sinon, je sais pas depuis combien de temps t'as pas pris une douche, mais ça pue jusque-là, quoi. Va te laver, tu pues. Moi, je t'emmerde. Alors, donc, moi, conclusion du débat, c'était là. Et quand même, il y a la conclusion d'Yankee qui dit qu'il a gagné son pari qu'il t'a fait avant le deuxième débat. Le deuxième, c'était vraiment de la merde. Ouais, mais ça, grâce à deux cons. Donc, tous les deux, la semaine prochaine, vous êtes virés. Non, la classe. On va où? Ce soir. On va au Europe 2 ou pas? Non, non, bah. Allez, banco. Ils rentrent chez eux, c'est tout. Pour l'instant, il y a toi qui a fait du bon boulot ce soir. Pas tout, Rigo. Bah, ta conclusion, Gérard. Moi, conclusion, c'était de la merde, comme d'habitude. Vous m'avez foutu la merde tous les deux, donc, c'est terminé. Non, alors, c'est pas la conclusion des débats, ça. Pour la loco donc de demain pour ce soir donc au platine il y aura Gigi Billy, Gigi Jean-Marc Thibault, Gigi Roger Pierre et Max aux lumières pour le warm up. Non mais je dis pas l'autre parce que il y a pas les deux salopes là. Rigo, non, il y avait Rigo la suceuse au percu. Ouais, tu prends bien Diallo au lieu de te foutre de sa gueule, espèce de gros con. Mais rappelle les non, non, parce qu'il a dit vite les DJ au moins pour demain, c'est la loco Max. DJ Billy, DJ Jean-Marc Thibault. Non, attends, pourquoi DJ la gueule. Gigi Jean-Marc Thibault, Gigi Roger Pierre et Max aux Lumières pour le Warknap. Il est aux Lumières demain, Max. Ouais, et surtout qu'il mixe pas, donc ça m'aurait... Ben non, il est aux Lumières, il mixe et pas. Et donc, on va s'écouter Bibi Grossi avec Mon Papa à moi est un pervers, et on se retrouve dimanche soir pour la... Ben, pour la, une radio normale avec peut-être... Ivre, une radio ivre. Peut-être, mais là, ça sera mieux parce que Max, il sera là, donc vous foutrez pas votre merde, bande de connards. Donc, ben, je serai présent avec toute l'équipe. Oh, on non. Peut savoir à combien qu'on a terminé si on n'a pas chuté à cause du bordel. Bah si, c'est un peu ça le problème. On n'est plus qu'à 5623. Merci, Filda. Et là, vous avez retrouvé Seb pour la nuit sans pub à dimanche.